appelle-moi l'OVNI. La lettre ou le J. Asics, cheveux blancs et sur vête, je dis. Il me régale le gousse. Soir ça il se vide des grigousses. Je les baise à tous. T'inquiète, pas besoin d'être douce. Au Pinel 12, caché dans la Canada Goose. J'ai fait l'album à la Plaza. Je vais faire danser ton oncle et ta cousse. Cherche plus, c'est Jules. L'OVNI, ouais, de Red Platine. Que ça chante, que ça rappe. Pour le buzz et pour les gadis. J'mets le but, j'fais pas de salade. Gaucher comme un mec salade. Pas d'équipe, pas de bras longs. J'fais dormir le staffy dans le salon. J'dors pas, écoute. Là, j'fais parler le talent. Et ça me dégoûte, ça me dégoûte. Y'a que des fils de pute. J'me mets sur béquille latérale. Tu me critiques, tu veux me faire la zeu. Tu vas prendre un coup de casque intégral. Au bar, ça s'en bat les couilles. Aux toilettes, ça met dans le nazou. Timide, t'as pas un sou. Tu vas finir en rue sur Badou. J'ai pas le time, je nique tout. Si t'as parlé de moi, on s'en fout. Chez moi, c'est le cœur avant tout. Parce que le bon Dieu voit tout. Putain, que je croise la Mondeo. Cet été, je me sors la Honda. T'es bizarre, je sais pas ce que je t'ai fait. Oh, je croyais que tu étais la Honda. Ne rejette pas la faute sur tout le monde. Pas la mienne si tu montes pas. Y'a bien plus grave dans le monde. N'oublie pas, c'est Dieu qui donne ou pas. Tu vois tu ou pas, faut arrêter. Je sais que tu sais que je le sais. T'as blessé, tu seras blessé. T'as rabaissé, tu seras rabaissé. Visière, fumée. J'passe entre les voitures au jarret. Elle m'a mis un carré croix. Pourtant elle m'a pisté toute la soirée. Le TDM, j'le mets droit. Sur Ivoire et carré. J'suis plutôt Tokyo. Avec sa coupe au carré, ça veut tacler le commissaire. La dobée comme professeur. J'suis à l'aise dans le golf 7R. Dans l'audio, le mercon compresseur. Tu te manques de moi toute l'année. J't'envoie en finale comme Rolando. Si j'veux avec les souliers, demain j'monte un commando. Le cous, arrête. Sert à rien de me faire le costaud. J'ai vu des choses que j'dirais pas. Appelle-moi commandant Cousteau. Le cous, arrête. Sert à rien de me faire le costaud. J'ai vu des choses que je dirais pas. Appelle-moi commandant Cousteau. Je vois le cous, il fait un pétard. Choqué, il sait faire de la guitare. La marche arrière est cassée. On connaît plus le demi-tour. Plaque chauffante, ça coupe des demi. En bas, ça bande en deux et demi. Ça mit sa vie au rami. Après, ça se plaint de ramer. Appelle-moi l'OVNI. La lettre ou le J. Asics, cheveux blancs. Et sur vête, je dis. Je troue les paves, j'ai la rage. Je vois rouge, je nique tout et je m'arrache. Je te fais le signe du le feu rouge. Le couse, les boutus, les ferrèges. Je reviens demain CR. Y'a le secteur sous CR. Ils m'ont trahi CRCR. J'ai les baisers, les boutons, les bouddhas. Ils m'ont trahi CRCR. J'ai les baisers, les boutons, les bouddhas. Ils m'ont trahi CRCR. J'ai les baisers, les boutons, les bouddhas. Ils m'ont trahi CRCR. J'ai tous les choqués. Les boutons, les bouddhas. Je vais tous les choquer. Appelle-moi l'OVNI, la lettre ou le J.